conversation scientifique par Étienne Klein. Bonjour à toutes et à tous qui êtes ici très nombreux, et à vous autres qui êtes ailleurs encore plus nombreux. Nous sommes dans la grande salle du Théâtre de l'Odéon à Paris pour le deuxième épisode de notre nouveau cycle d'émissions enregistrées en public, cycle que nous avons intitulé « Ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas ». L'idée qui nous a menés vers ce thème est assez simple. Elle provient du constat que la connaissance et l'ignorance se tiennent l'une l'autre par la barbichette. Si tant est qu'on puisse imaginer qu'elles en ont une de barbichette, alors même que ce n'est pas scientifiquement établi. Quoi qu'il en soit, le constat dont je parle est le suivant. Ignorer qu'on ignore, c'est de fait ne rien savoir. Tandis que savoir qu'on ignore, c'est vraiment savoir et c'est donc l'affaire des savants, puisque cela suppose de connaître tout ce qui est déjà établi et d'être capable de détecter ce qui fait encore trou dans la connaissance. En compagnie du camarade Léon Bonafé, que je salue, et qui nous aidera à réfléchir par des lectures de textes ou par ses propres inspirations ou fulgurances, nous demanderons à notre invité ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas à propos de tel ou tel sujet. Mais quel est le sujet du jour, me demandez-vous avec gourmandise? Eh bien, je vais vous répondre en faisant un petit détour. Dans son poème « Le verbe être », André Breton écrivit cette phrase étonnante « Il fait un temps de temps ». Aujourd'hui, au moment où la COP23 vient de se tenir à Bonn, on dirait plutôt qu'il fait un temps de climat, un temps de changement climatique, et c'est pourquoi ce sujet est celui que nous avons choisi pour notre conversation scientifique de ce jour. Que savons-nous de l'avenir du climat? À l'origine, le mot climat, qui est de racine grecque, signifie inclinaison. Il désignait alors quelque chose d'assez simple, qui a à voir avec la rotondité de la Terre. Les rayons du soleil arrivent au sol avec une inclinaison qui dépend de la latitude, de sorte que celle-ci module la température locale, qui est plus forte près de l'équateur et qui devient plus faible à mesure qu'on se dirige vers les pôles. Mais depuis les Grecs, du temps a passé, et on a compris que les choses n'étaient pas aussi simples, que le système climatique, comme on l'appelle, est un système extraordinairement complexe, que les chercheurs sont parvenus à comprendre au moins partiellement. Que savent-ils et que savent-ils dire qu'ils ne savent pas à propos du changement climatique? Telles sont les questions que je vais poser à notre invité, Hervé Le Treut. Bonjour Hervé Le Treut. Bonjour. Vous êtes climatologue ou physicien du climat, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Je préfère dire physicien du climat. Oui. Physicien du climat, membre de l'Académie des sciences. Vous dirigez l'Institut Pierre-Simon Laplace et vos recherches très nombreuses ont porté notamment sur les interactions entre l'atmosphère terrestre et les océans, sur l'influence du cycle de l'eau sur le climat, sur la dynamique des glaciers et bien sûr aussi sur le rôle de l'activité humaine dans l'évolution du climat. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, notamment un livre pour les plus jeunes intitulé « Sur quelle planète bleue ai-je atterri ?» co-écrit avec Anna Alter. Alors, vous rentrez à l'instant de Bonn, où se tenait la COP23. Est-ce que vous en êtes rentré plus optimiste que vous n'y étiez parti, avec le trot? Alors, ce problème de l'optimisme, il est toujours posé sous cette forme, mais c'est un petit peu difficile. Je pense qu'on est face à une situation où le changement climatique est en train de s'approfondir. On met des gaz à effet de serre de manière constante dans l'atmosphère. Ces gaz restent dans l'atmosphère, ils restent longtemps. La moitié de ce qui a été émis à un moment donné est toujours là un siècle après. Donc ça fait beaucoup de temps. Et donc c'est un peu comme une bouteille qu'on remplit un peu moins vite, peut-être, un peu plus vite, mais enfin qu'on remplit toujours. Le problème, c'est un problème qui n'est plus le même aujourd'hui qu'il y a 20 ans. On est très près des échéances. Donc le mot optimisme est difficile à décliner complètement dans ce sens-là. Je crois que quand même le pas qui a été franchi depuis quelques années, c'est un pas qui vient de qui fait que le problème d'alerte, qui a longtemps été le problème directeur dans toute cette science du climat, alerté sur ces problèmes qu'on voyait se profiler, ce problème est relativement dépassé aujourd'hui. Il y a toujours une personne qui nie le processus. Il y en a beaucoup plus que ça inquiète, donc on pourrait parler plutôt de déni que de négation à ce moment-là. On ne va pas voir des choses qui nous ennuient. Et les COP, maintenant, sont confrontés à autre chose. Ils sont confrontés à un temps de l'action qui est un temps de la complexité. Alors, ça a été dit à l'entrée, en introduction de ce... de cette conversation, le système climatique est un système complexe, mais c'est un système aussi qui est inséré dans un contexte beaucoup plus large. Quand on va essayer de changer le climat aujourd'hui, on doit se soucier des incidences sociales, des incidences sur la biodiversité. Enfin, on est en train de, on veut se débarrasser du charbon, du pétrole, du gaz naturel, les gaz à effet de serre qui sont qui représentent l'issue de 80% à peu près de l'usage de l'énergie aujourd'hui, quelque chose de colossal qui peut pas se faire sans un contexte large. Où on soit à l'écoute de la société, à l'écoute des gens qui vont en pâtir. Donc tout ça pour dire que aujourd'hui, je pense que les COP, la recherche sur le climat, les actions doivent se confronter à la complexité. Et cette complexité, elle implique quelque chose d'un tout petit peu moins attractif peut-être au niveau des idées que la période d'interpellation ou qui se prêtait à plus de fulgurance peut-être. Là, je crois qu'il y a un travail sérieux. Alors, le travail sérieux, on peut pas juger tout de suite s'il est vraiment sérieux. On verra ça dans quelques années. Alors, parlons de travaux sérieux. Par exemple, vos travaux de thèse. Vous avez soutenu votre thèse en 1985 et vous l'aviez consacrée aux nuages, à l'effet des nuages sur le climat. Alors, vous excuserez, il y avait l'autre la naïveté de ma question, mais il y a quand même un truc bizarre avec les nuages. Dans la journée, quand le ciel est dégagé, l'arrivée de nuages abaisse localement les températures. Ils font office de parasol naturel. Mais au cours de la nuit, les températures sont plus élevées quand il y a une couverture nuageuse que lorsqu'il n'y en a pas. Est-ce que c'est pas une sorte de paradoxe et est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Oui, on comprend. J'espère que oui. On comprend assez bien comment fonctionnent les nuages. Ce qui n'a pas toujours été le cas, là. Le savoir qu'il y a des petites gouttelettes d'eau dans l'atmosphère, dont certaines restent en suspension dans l'air et d'autres tombent. C'est un petit paradoxe qui a mis du temps à être levé. Donc comment on comprend ça? On comprend ça par les notions de viscosité et de rupture un peu dans la taille des les petites gouttes sont très très visqueuses et donc s'accrochent à l'air, si on peut dire. Dès qu'elles grossissent, il y a un seuil au bout de 5 à 10 microns à peu près et se mettent à tomber. Et il y a un processus aussi qui les fait grossir. Le fait que les vitesses sont serrées en fonction de la taille. Donc c'est il y a un petit bijou de science au niveau de la formation des gouttelettes et de la pluie. Alors pour les nuages, on comprend en fait surtout le fait que ce sont à la fois des processus refroidissants, effectivement, par la réflexion du rayonnement solaire, et puis c'est des outils à faire de l'effet de serre. Alors la nuit, il n'y a que l'effet de serre. Il n'y a pas de rayonnement solaire réfléchi. Donc il fait plus chaud. La grande difficulté... Attendez, avec le truc comme on est là pour faire de la pédagogie, qu'est-ce que vous appelez l'effet de serre? On a dû vous poser la question 10 000 fois, mais aujourd'hui on va la clore définitivement. Alors, l'effet de serre, c'est un processus qui inhibe le refroidissement de la planète. Alors, ça a été découvert par Fourier, un grand scientifique français, très grand scientifique français, au début du 19e siècle, et avec l'aide aussi d'un alpiniste de Saussure qui était aussi un grand scientifique. Donc ils ont fait Fourier savait qu'il devait y avoir un principe. Si on réchauffe la planète avec des rayonnements solaires, il doit y avoir un autre rayonnement qui refroidit. Cet autre rayonnement, il appelait la chaleur obscure. On savait pas ce que c'était. Donc maintenant on sait que c'est du rayonnement infrarouge. Et ce qui a été découvert aussi à la même époque, c'est que quand on met une petite vitre sur un objet qu'on réchauffe, on le réchauffe encore plus parce que ce refroidissement par le rayonnement infrarouge est inhibé. Il s'échappe pas vers l'espace. Donc l'atmosphère joue le rôle de cette vitre, de cette serre, c'est-à-dire qu'elle empêche le refroidissement. Elle empêche le refroidissement par rayonnement infrarouge de la planète. Et plus on rajoute des gaz à effet de serre, plus on empêche ce refroidissement. Et ce qui fait la force de l'effet de serre, c'est que c'est des quantités de gaz assez petites. On est en quelques millièmes de la masse atmosphérique qui jouent un rôle majeur pour contrôler la température de la planète. Oui, on peut rappeler que l'atmosphère, elle est composée majoritairement de molécules à deux atomes, l'oxygène, 78%, l'azote, 21%. Mais les composantes qui jouent un rôle dans l'effet de serre que vous avez évoqué sont des molécules à au moins trois atomes. La vapeur d'eau, H2O, le CO2 dont on parle beaucoup, l'ozone, O3, il y en a d'autres encore? Oui, plus le nombre de molécules est grand, de manière un petit peu simplifiée, plus l'effet d'absorption est important. Le méthane, par exemple, le CH4, absorbe 100 fois plus que le dioxyde de carbone, CO2. Ça tient au niveau de vibration-rotation des molécules qui augmentent avec la complexité des molécules. Voilà. Donc c'est un effet qui est tout à fait contre-intuitif. Moi, j'ai un professeur qui disait que finalement on peut pas faire bouger un camion facilement en donnant des coups de pied dedans, sauf si on donne le coup de pied juste sur l'accélérateur. Alors les gaz à effet de serre, c'est ça. C'est un des systèmes de contrôle du climat, de la planète, qui est le plus à notre portée. Il suffit de mettre des quantités de gaz relativement faibles dans l'atmosphère pour pouvoir changer assez fortement le comportement du système climatique. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors pendant très longtemps, à la Belle Étoile, on avait une corrélation entre les émissions de gaz à effet de serre et l'augmentation des températures. Et qu'est-ce qu'il a fallu comprendre pour être certain qu'il s'agissait d'une relation de causalité, c'est-à-dire que l'activité humaine, par le biais des émissions de gaz à effet de serre, était la cause du réchauffement? Alors les choses se sont produites un petit peu à l'envers, c'est-à-dire qu'il y a eu dans les années 50 une prévision qui était celle de dire on émet des gaz à effet de serre, l'océan, la végétation, qui sont des puits naturels pour les reprendre à l'atmosphère, ne sera pas capable de le faire avec une vitesse suffisante, donc il va en rester tout le temps dans l'atmosphère. Et c'était les années 57 à peu près, milieu des années 50, il y a eu presque tout de suite un observatoire qui a été mis en place au Mauna Loa, donc sur les pentes d'un volcan le plus élevé de l'île d'Hawaï, donc loin de toute forme de pollution des mesures. Et dans les années 60-70, on savait que effectivement le CO2 augmentait dans l'atmosphère. Donc la question a été posée au premier modèle, au premier calcul physique qui pouvait se faire à partir de ces modèles. Est-ce que c'est dangereux d'émettre des gaz à effet de serre? Et la réponse a été oui. Un doublement du CO2, dès cette époque, pouvait augmenter la température de 1,5 degré à 4,5 degrés. C'était l'état des modèles en 1979, le premier rapport Charney. Et on savait dès cette époque que c'était énorme, que ça représentait à peu près la transition entre un âge glaciaire et un âge interglaciaire. Donc à partir de ces années-là, et jusqu'aux années 90, ce sont les modèles qui ont d'abord dit ce que les gaz à effet de serre devraient faire. Et on a vu la planète changer selon les modèles, après. Donc le pronostic a été antérieur. C'est-à-dire ce sont les lois physiques qui ont permis de démontrer la relation de causalité. Les lois physiques ont permis d'anticiper ce qui se passait. Alors c'est pas une démonstration absolue, mais parce qu'on aurait pu imaginer qu'il y a aussi d'autres phénomènes concurrents qui expliquent ce réchauffement. Mais on est sorti très très vite de ce qu'on appelle la variabilité naturelle, la variabilité qu'on sait mesurer sur des périodes assez longues, qui est souvent de quelques dixièmes de degré. Aujourd'hui, on a un degré de réchauffement à peu près. Et ce degré de réchauffement, il est au-delà de la variabilité naturelle qu'on est capable d'estimer sur les 10 000 dernières années, la période de l'Holocène relativement stable dans laquelle se sont développées nos civilisations. Donc on a l'impression que les modèles sont confirmés à peu près par toutes les mesures qui sont faites aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a quand même des endroits où vous observez des surprises, par exemple des fontes de glaciers qui seraient plus rapides qu'attendues, ou d'autres phénomènes qui seraient plus graves ou moins graves que ce que les simulations laissaient prévoir? Oui, mais il y a des chaînes de causalité qui sont complexes. Donc plus on s'éloigne du cœur de processus, qui est le réchauffement par les gaz à effet de serre, et plus on a des conséquences difficiles à estimer. On a un réchauffement qui est effectivement relativement bien établi, même s'il est très difficile à quantifier à cause de l'effet des nuages. L'effet des nuages le module fortement. On a vu qu'il y a deux principes opposés. Lequel va changer le plus fort? Ça, c'est toujours pas connu. Et tout ça, c'est toujours très difficile à quantifier. C'est toujours l'incertitude la plus importante. Et quand on dimensionne pour le climat aujourd'hui, les mesures qu'on prend pour le climat, il y a toujours un facteur qui fait plus, c'est plus ou moins un degré en fait d'incertitude, ce qui veut dire, par exemple, on dit qu'il faudrait diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 40 à 70% d'ici 2050 si on veut rester sous les 2 degrés. Ben cette marge là, elle reflète encore l'incertitude que l'on a sur l'effet des nuages. Enfin, une fois qu'on sait qu'on a un réchauffement, malgré tout, il y a des choses qu'on sait dire. Le relèvement du niveau de la mer. Celui-là est observé. Conformément aux simulations, à peu près, dans les ordres de grandeur. On a aussi la fonte des glaciers, la banquise arctique, qui ne contribue pas au relèvement du niveau de la mer, parce qu'elle flotte, mais qui a diminué presque de moitié en fait en termes de glace pérenne, de glace qu'on retrouve l'été. La végétation, le vivant réagit aussi de manière très directe à la température. Il y a aussi la salinisation des grands deltas. Alors quel est le mécanisme qui fait que les grands deltas se trouvent salés par le réchauffement climatique? Ah ben c'est parce qu'en fait c'est très lié au relèvement du niveau de la mer. L'eau de mer l'emporte sur l'eau des rivières, donc il y a un phénomène qui est avant celui des submersions. On parle souvent des submersions. Les submersions, c'est une des conséquences majeures qu'on pourra avoir si on est un jour à 50 cm de relèvement du niveau de la mer, ce que prévoient les modèles plutôt comme une condition minimale en fait pour la fin de ce siècle. La Camargue, par exemple, beaucoup de paysages qui sont sur les côtes auront disparu. Mais avant cela, je prends la Camargue parce que justement c'est dans un delta, avant ça, les deltas seront salinisés avant d'être submergés. Et ça va toucher des populations très importantes. On peut passer au delta du Nil, au delta du Mékong, au delta du Gange. Il y a autour des gens qui vivent de la biodiversité qui est propre au delta et qui sera modifiée fortement. Léon Bonafé, est-ce que vous avez un petit texte, un poème qui pourrait nous aider à retrouver quelque espérance? Je voulais en tout cas commencer par un poème qui fait la mise au point justement sur le pouvoir de la poésie sur le réchauffement climatique, en vous disant un poème, c'est bien peu de choses. À peine plus qu'un cyclone aux Antilles, qu'un typhon dans la mer de Chine, un tremblement de terre à Formose, une inondation du Yangtze-Kiang, ça vous noie 100 000 Chinois d'un seul coup. Vlan. Ça ne fait même pas le sujet d'un poème. Bien peu de choses. On s'amuse bien dans notre petit village. On va bâtir une nouvelle école. On va élire un nouveau maire et changer les jours de marché. On était au centre du monde. On se trouve maintenant près du fleuve océan qui ronge l'horizon. Un poème, c'est bien peu de choses. Voilà, ça, c'est Raymond Queneau. C'est bien peu de choses, mais ça dit beaucoup de choses. Comment est-ce que vous réagissez à ce constat qu'il y a des problèmes qui semblent presque cosmologiques, et puis les actions humaines qui ont une portée toute petite? Comment est-ce que les dernières pourraient répondre aux défis que lancent les premiers? Je pense qu'effectivement, on est face à un problème qui est celui de l'humain, en fait. Et je crois que ces problèmes de changement climatique, si on s'en tenait à la planète... La planète survivra, les climats de la planète sont affectés de manière qui, géologiquement, sont marginaux. C'est-à-dire que c'est une des racines de beaucoup de controverses se trouve là. Si on s'intéresse pas à l'humain, ces problèmes-là sont pas des problèmes majeurs. Il se trouve qu'on est nombreux sur cette planète, qu'on la partage telle qu'elle est, et que ces changements-là vont affecter la vie de beaucoup de gens. Donc c'est vraiment le facteur humain qui domine le souci qu'on peut avoir par rapport au changement climatique. Donc de point de vue-là, il y a effectivement une attention à porter à la notion de danger, à bien définir la notion de danger. Elle est à définir par rapport à l'humain, et donc on ne peut pas tout se permettre dans le choix des solutions, puisqu'on a un souci qui est de préserver, par exemple, des sociétés... libre, où on respecte les droits de l'homme. Enfin, il y a beaucoup de choses qui vont avec le souci que l'on a au travers du climat. Alors, j'ai lu dans vos livres, Hervé Le Trout, que selon vos simulations, pour stabiliser le CO2, il faudrait ne pas dépasser un seuil de 3 ou 4 milliards de tonnes de carbone émis chaque année, ce qui fait à peu près une demi-tonne par habitant. Et ça veut dire qu'il faudrait diviser par 10 les émissions moyennes d'un Américain, par 4 celles d'un Européen moyen, et par 2 celles d'un Chinois. C'est un défi absolument gigantesque. Et est-ce que ça n'invite pas à penser que, puisque c'est impossible, il n'y a rien à faire, et il faudra simplement s'adapter? C'est un risque. Alors, je vais même en rajouter, parce que c'est les chiffres que vous avez données sont des chiffres qui datent d'il y a quelques années. Depuis ces quelques années, on a continué à mettre du CO2 dans l'atmosphère. Et donc on crée une certaine forme de dette. Je l'ai dit, le CO2 reste là, on ne sait pas aller le reprendre aujourd'hui. Ce que montrent nos modèles, c'est que si vraiment on veut rester sous ce chiffre qui est devenu emblématique, même s'il ne représente pas un seuil de 2 degrés de réchauffement, il faudrait... 2 degrés, c'est par rapport au début de l'ère industrielle, donc c'est voilà. 1 degré par rapport à aujourd'hui. C'est 1 degré, oui, on a pris une marque qui est celle au cours du 19e siècle, elle est quelquefois un petit peu incertaine, donc c'est par rapport à cela, et on est déjà 1 degré de réchauffement, donc quand on dit 2 degrés, c'est 1 degré de plus maintenant. Alors justement, 1 degré de plus, on pourrait dire, mais c'est rien 1 degré. Comment est-ce que vous faites pour expliquer à ceux qui trouvent que c'est pas grand-chose, que c'est en fait changer de monde? Est-ce que l'analogue de la fièvre pour un enfant, ou même pour un adulte, est pertinent pour vous? Parce que quand on passe de 38 à 39 degrés pour la température du corps, on sent la différence. Est-ce que c'est une comparaison qui vous semble pertinente, ou est-ce qu'on mélange les problèmes? Non, je pense que c'est une comparaison qui est tout à fait pertinente, et je... Ces 2 degrés, par exemple, qui servent pour toutes les négociations, c'est des indicateurs, de même manière que le thermomètre qu'on utilise pour des raisons médicales, c'est aussi quelque chose qui nous donne un chiffre indicatif. Et ça vient un petit peu des mêmes raisons. La température joue un rôle dans la physiologie humaine, elle joue aussi un rôle dans la physiologie de la planète. Donc il y a une physiologie de la planète qui, en gros, s'adapte au changement de température. Et ces repères de température sont assez fins, parce qu'on voit qu'entre un âge glaciaire et maintenant, on a un décalage de 4 à 5 degrés à peu près. Donc c'est ce qui fait que... Il y a une alerte très, très forte dès qu'on a vu les premiers ordres de grandeur de ce que les gaz à effet de serre pouvaient faire en augmentant aussi vite. C'était qu'on était à peu près dans les ordres de grandeur qui sont ceux qui vont d'un âge interglaciaire à un âge glaciaire. Donc, les âges glaciaires, c'était 150 mètres de niveau de la mer en moins, des grosses calottes sur les continents, c'est des choses qui sont énormes. Alors là, on va vers le plus chaud, ça sera des surprises un petit peu différentes. Mais on est confronté à des choses qui vont être très très importantes. Et je pense que l'idée qu'on est face à une fièvre de la planète est une bonne image. Il faut d'ailleurs l'utiliser jusqu'au bout. Aujourd'hui, on a un petit peu de fièvre. Il y avait un film qui s'appelait 37 degrés le matin. Voilà, on est au début du matin de ce siècle et on a un petit peu de fièvre. Ce qu'on craint, c'est la fièvre plus forte qu'on aura plus tard. Alors, durant les 30 glorieuses, l'usage des combustibles fossiles a augmenté beaucoup plus vite que la démographie et n'a concerné que 10 à 20% de la population mondiale, écrivez-vous. Est-ce le fait que les émissions continuent à augmenter? Est-ce que c'est un effet de la démographie qui augmente? Ou est-ce que c'est simplement que les pays qui étaient déjà très émetteurs continuent d'émettre encore plus? Les pays qui étaient très émetteurs ont plutôt stabilisé, pas complètement, et peut-être pas non plus de manière complètement légitime, parce qu'une partie des gaz à effet de serre qu'on émettait correspondait à des produits qu'on fabriquait chez nous. Maintenant, on les laisse fabriquer par la Chine. Ça aide la Chine à émettre beaucoup de gaz à effet de serre. Mais l'essentiel aujourd'hui, effectivement, c'est le rattrapage, parce que c'est un rattrapage de pays qui sont émergents, qui aspirent au même niveau de confort, de l'usage de l'énergie que les pays occidentaux. Et avec une augmentation des émissions de gaz à effet de serre après 92. 92, c'est le grand sommet de la Terre. C'est le moment où il y a eu la convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, celle qui régit les COP dont on parlait tout à l'heure. Et on pensait qu'à ce moment-là, on pourrait stabiliser les émissions de gaz à effet de serre. Et ça n'a pas été possible, justement, parce que il y a tout un ensemble de pays qui ont commencé à goûter au développement de type occidental. Et ils nous ont pas dépassés. La Chine émet beaucoup de gaz à effet de serre parce qu'il y a une population nombreuse, mais par habitant, elle est plutôt au niveau de l'Europe, puisqu'on citait ces chiffres tout à l'heure, qu'au niveau des États-Unis. Votre spécialité au départ, avec le trône, c'était l'interaction entre les océans et l'atmosphère. Comment est-ce que ça se passe? Parce que l'atmosphère représente une masse beaucoup plus faible que les océans, mais elle a un rôle dans la dynamique du climat qui est très important. Comment est-ce qu'on explique cette différence? Oui, on a deux associés qui jouent un rôle à peu près égal, mais pour des raisons très très simplement opposées. L'atmosphère va très vite. La vitesse moyenne de l'atmosphère, c'est 10 mètres par seconde. elle transporte très peu, d'eau, de carbone, d'énergie d'une certaine manière, alors que l'océan, lui, est un monstre tranquille. Il a une vitesse qui est d'ailleurs largement due au vent. C'est le vent qui met en grande partie en route les océans, mais qui est peut-être 100 à 1000 fois plus faible que celle de l'atmosphère. Et par contre, il est capable de transporter beaucoup plus de chaleur, de carbone, enfin d'un peu tout, à tel point qu'à un moment, on faisait un peu de l'océan le réservoir ultime dans lequel on pouvait tout cacher, en fait, des problèmes de la planète. On sait aujourd'hui que cette période-là est finie, qu'aujourd'hui, par exemple, on a une acidification des océans, parce qu'il y a le CO2 dont on pensait que l'océan le prenait pour nous faire du bien, en fait, c'est pas si simple que ça. L'océan, en reprenant une partie du CO2, est en train de détruire une partie de la biodiversité qui s'y abrite, en particulier dans les récifs coralliens. El Niño, on en parle souvent, il est justement un phénomène plus ou moins périodique, d'après ce que j'ai compris, qui est lié au vent. Comment est-ce que ça se passe ? Oui, alors ça fait partie de tous ces grands mécanismes qui sont dans la ceinture tropicale, enfin près de l'équateur, où c'est la zone qui, comme le grec le savait déjà, qui est la zone qui est fortement chauffée, qui doit se débarrasser de sa chaleur. Et on a inventé plusieurs systèmes. Il y a les grands cyclones, il y a les grands cumulonimbus. El Niño relève de ça, mais de manière assez complexe. On a normalement des vents qui massent les eaux chaudes du Pacifique, plutôt sur le bord ouest, donc du côté australien, indonésien, et on a l'air qui monte à cet endroit-là. Et si ces vents s'arrêtent, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça peut se produire, mais c'est lié à une dynamique atmosphérique qui est quelquefois un peu complexe. Alors l'eau reflue vers l'est, l'eau chaude reflue vers l'est, et elle entraîne avec elle tous les régimes climatiques de la zone intertropicale, et elle a même des effets un petit peu au-delà. Donc on a par exemple une mousson indienne qui est plus faible, on a des situations d'inondations très fortes en Argentine, aux États-Unis, dans le Midwest, avec des impacts très forts par exemple sur l'agriculture et sur le commerce des céréales. Et puis des impacts même qui se notent dans les températures de la planète, qui peuvent augmenter, en fait, puisqu'on a une dissémination des eaux chaudes qui va se manifester quand on fait les bilans de température pour la planète. Donc c'est un phénomène extrêmement puissant qui revient de manière un peu aléatoire. Il faut à la fois qu'il se constitue cette espèce de matelas d'eau chaude sur le côté ouest du Pacifique, et puis il faut un déclenchement. Donc le déclenchement est un peu aléatoire. Aujourd'hui, on arrive à bien prévoir, grâce aux bouées, grâce au relais des bouées par les satellites, on arrive à bien prévoir le phénomène El Niño, une fois qu'il commence à se déclencher 2-3 mois à l'avance, mais pas au-delà. C'est un phénomène naturel. C'est un phénomène naturel, et c'est un phénomène dont on ne sait pas trop comment il sera modifié par les changements climatiques. Ça fait partie de ces interrogations. J'en ai pas parlé tout à l'heure. Il y a à la fois des phénomènes qu'on ne sait pas prévoir avec certitude, parce qu'il y a une relation de causalité difficile, mais il y a aussi une partie de chaos dans le système climatique. Et la partie de chaos, c'est beaucoup l'atmosphère qui le crée, un petit peu l'océan. Il y a une frontière entre ce qu'on sait qu'on pourra peut-être arriver un jour à prévoir, et puis ce qu'on sait relever vraiment de l'indécision chaotique du système climatique. Donc, on commence à établir petit à petit, on sait qu'on n'est pas capable de faire des prévisions météo au-delà d'une dizaine de jours. Ça fait partie de notre métier d'essayer de mieux chercher la limite entre ce qui sera un jour prévisible et ce qui probablement ne sera jamais. Avec le truc, je vous ai entendu une fois dire que parfois des gens vous écrivent en pensant que pour faire vos calculs, vous vous servez seulement de petites équations qu'on trouve dans les livres de classe. Et qu'est-ce que vous leur dites pour leur expliquer que c'est en fait beaucoup plus compliqué que ce qu'on pourrait imaginer ? Oui, alors on a utilisé aussi quelquefois les petites équations, je pense que ça fait du bien, mais on ne peut pas s'appuyer que là-dessus. Les modèles climatiques qu'on a essayé de faire pour faire de la prévision météo au début, puis qu'on a appliqué à la recherche climatique, c'est des travaux de reproduction du système climatique qui est conceptuel, mais qui se veut réaliste. Alors, on doit mettre l'atmosphère, on doit mettre l'océan, on doit avoir des équations du mouvement pour l'un, pour l'autre, on doit avoir des rivières. Donc, c'est un travail qui s'est fait petit à petit, en essayant de toujours maîtriser la compréhension de ce qui se passe. C'est pour ça que je disais, les petites équations disparaissent pas. On est toujours obligé de faire ce qu'on appelle des hiérarchies de modèles, qui nous permettent de se promener d'hypothèses qu'on maîtrise vers des hypothèses que l'on ajoute et qui sont un petit peu plus audacieuses, et qui permettent aussi d'avoir plus de réalisme. Ça s'est construit entre les années 70 et la fin des années 90, je pense. La grande phase de construction des modèles, c'était celle-là. Ça continue, on a des ordinateurs qui sont toujours plus puissants, qui permettent de faire toujours plus de choses. Je dirais qu'aujourd'hui, on a des planètes artificielles qui ressemblent quand même pas mal à la planète réelle. Ce ne sera jamais une copie. Des planètes numériques. Des planètes numériques, voilà, des planètes numériques. Et ces planètes numériques nous aident beaucoup à déchiffrer les comportements de la planète réelle et éventuellement à faire, non pas des prévisions, je ne pense pas qu'on peut appeler, on parle plutôt de projections ou de scénarios. C'est des planètes qui sont un peu différentes de la planète réelle, mais on a l'avantage qu'il en existe beaucoup. Il y a une vingtaine d'instituts qui ont développé chacun leur planète numérique, donc on peut comparer, on peut essayer de comprendre par la comparaison. Donc c'est un travail qui mobilise beaucoup, beaucoup de personnes dans notre institut, l'Institut Pierre-Simon Laplace. C'est peut-être une centaine de personnes qui travaillent sur notre modèle, et puis je vous dis, il y a des modèles un peu partout sur la planète. C'est un travail avant tout de compréhension. C'est pas un travail de projection aveugle. C'est un travail avant tout de compréhension du système. Vous parliez de petites équations. En général, on les écrit sur des tableaux noirs et on les efface avec des grandes brosses. Et je crois que Léon Bonafé a un poème à nous lire qui s'intitule La Grande Brosse, justement. La Grande Brosse, oui, qui est un poème de prévision poétique, cette fois-ci. Ce sera La Grande Brosse. Plus de rats au lait féroce. Plus ces squales et ces vaisseaux qui font sale mer et ruisseaux. D'ailleurs, plus de mer, aucune, vieux reflux de vieille lune. Plus de foin dans les cervelles, plus de groin dans les dentelles. Pois écosse, ans et brouillards, brossés par la grande brosse. Faites vide à tous les ciels, l'éternel sans une ride. Grande brosse qui brossera Jean, négoce, clocher, fatras, cendres et terre, et tout le bleu des hauts lieux carbonifères. Ah, fauchures sans hiatus, rasibus les créatures, quel baptême pour les bons vents, et plus même, un sifflement, nu suprême évidemment, et plus même, un ossement. Qui verra l'espace à rats? Qui verra l'azur sans bosse? Ce sera, seul à ses noces, ce sera la grande brosse. Merci Léon. C'est de qui ce poème? C'est de Norge. Voilà. Vous connaissiez? Non, je ne connaissais pas. Ça pourrait vous inspirer, ça ressemble à des choses qu'on peut lire, dites sous une autre forme, dans certains des rapports du GIEC, par exemple. Voilà, j'y pensais. Je pense qu'il y a aussi une... Il faut faire attention, justement, à ne pas trop confondre ce que l'on dit avec ces visions qui sont quand même apocalyptiques, c'est un petit peu extrême. Je crois que c'est pas nécessairement mobilisant pour l'action. On va y revenir. Mais puisqu'on doit parler quand même de ce qu'on sait, de ce qu'on ne sait pas, après on discutera des mesures qu'on peut prendre et des réactions qui sont attendues de la part des politiques, mais aussi de tous les citoyens que nous sommes. On a parlé un peu de poésie. Est-ce que vous connaissez l'anagramme du réchauffement climatique, Hervé Le Trout? L'anagramme de le réchauffement climatique, elle a été trouvée par Jacques Périssalkov. Non, je connais pas. Le réchauffement climatique, ça donne ce fioul qui tache le firmament. Ah, c'est superbe. Voilà. C'est superbe. Alors, j'avais une question à propos des simulations que vous évoquiez à l'instant, Hervé Le Trout. Est-ce que vous avez oublié des choses? Est-ce qu'on peut vous reprocher d'avoir fait des modèles qui, certes, ont l'air d'être cohérents, mais qui pourraient avoir oublié des phénomènes physiques ou autres qui, s'ils étaient pris en compte, changeraient la nature du problème? On a oublié souvent volontairement des choses. On a peut-être oublié aussi parce qu'on les connaît pas. Je pense qu'on a gardé par rapport à ça une certaine humilité. On fait les modèles au mieux de ce qu'on cherche à expliquer, on explique ce qu'on observe, On n'observe pas tout. On a un recul sur ce qui s'est passé, qui a grandi grâce aux paléoclimatologues. Mais on a une connaissance de ce qu'a fait notre planète. Et puis on ne sait pas ce qu'elle fera dans le futur. Donc on a bien sûr pas l'ambition de dire que ces modèles nous donnent une réponse à tout. Par contre, je crois que on a réussi à trouver des raisons, des explications à la plupart des comportements observés dans un passé récent, ce qui ne donne pas une certitude absolue sur ce qui se passera dans le futur. Les oublis qu'on peut essayer d'imaginer sont souvent des oublis, malheureusement, qui nous conduisent plutôt à des conséquences plus graves que moins graves. Et généralement, on s'interdit, enfin, en tout cas, moi, je m'interdis d'aller trop loin. Il y a des processus comme le dégazement du méthane, les fonds accélérées des grands glaciers. Tout ça, on maîtrise pas encore très bien. C'est pas toujours intégré de manière complète dans les modèles. Ça vient petit à petit. Mais on peut penser que les modèles, malheureusement, sont pas des outils qui en rajoutent un petit peu dans le pessimisme. Et ce qu'on comprend très bien, c'est en fait, on a eu un équilibre climatique pendant 10 000 ans qui était un équilibre climatique extrêmement important, ce qui a permis à nos civilisations de se développer. Pendant 10 000 ans, un climat presque égal, avec très très peu de changements de température, très peu de changements dans le cycle du carbone. Et brusquement, là, on a un changement brutal. C'est une sortie d'équilibre. Cette sortie d'équilibre, on sait assez bien maintenant décrire la manière dont elle se développe au début. Ce qui se passera ensuite, c'est plus difficile. France Culture. La conversation scientifique par Étienne Klein. Alors comment est-ce qu'on passe, Hervé Le Trout, de la connaissance du climat global à la connaissance du climat régional? Quand on écoute le bulletin météo aujourd'hui, la personne qui le présente en général fait référence à l'anticyclone des Açores ou à d'autres phénomènes qui sont relatifs à la circulation atmosphérique de l'ensemble du globe. Est-ce qu'on peut inverser la chose et dire, à partir de la connaissance de l'évolution du climat, comment localement la météo va être modifiée? Alors on peut le faire jusqu'à dans une certaine mesure, qui est souvent une mesure statistique. Effectivement, c'est la position des grands anticyclones, la position à nos latitudes en tout cas, définissent le climat. Et c'est un problème qui est difficile, parce qu'il faut imaginer sur la planète Terre toute une série d'oscillateurs. Par exemple, l'anticyclone des Açores, Il a son évolution qui est régie par ce qu'on appelle l'oscillation nord-atlantique, qui fait osciller les régimes de temps entre le nord et le sud de l'Atlantique, entre l'anticyclone des Açores et la dépression d'Islande. Des oscillateurs de ce type, il y en a une vingtaine peut-être sur la planète, enfin, de plus important peut-être. Et ça veut dire qu'il faut imaginer un système avec des boules et des ressorts qui est tout le temps en train d'osciller. C'est notre planète et c'est le système climatique que l'on a, et ce sont des objets importants en fait. Donc on en est souvent à caractériser les régimes de temps qui peuvent survenir sur une région donnée. Alors une fois qu'on connaît la position de ces grands anticyclones, on sait assez bien dire sur s'il y aura de la neige dans telle ou telle vallée pyrénéenne. Passer à la petite échelle, finalement, se fait peut-être plus facilement. Mais dans tous les cas, ça reste statistique. Ce qui veut dire que si on définit à partir des modèles des risques, on arriverait très vite, en particulier dans un scénario de changement climatique, à dire qu'il faudrait se prémunir de tout, ce qui est une conclusion difficile. Donc, vous avez dirigé une étude à propos de la région Aquitaine. Voilà. Est-ce que vous avez des informations sur l'avenir du climat dans cette région qui la distinguerait de l'avenir du climat d'autres régions de France? C'est une région qui, effectivement, elle a ses caractéristiques. Elle est maritime, elle est exposée à... Elle a subi des catastrophes récemment. Elle a subi des catastrophes récemment, justement, avec des tempêtes qui venaient de l'ouest. Elle est exposée aussi à l'anticyclone des Açores et qui amène quelquefois des grosses canicules. Il y a une barrière montagneuse au sud qui attrape l'eau, qui nourrit les rivières et les fleuves. Il y a toute une mécanique interne à la région qu'on comprend, dont on comprend les vulnérabilités. Malgré cela, malgré les efforts qui ont été faits pour régionaliser un peu les prévisions à moyen terme, les prévisions climatiques dont on parle, ce qui sont toujours des prévisions statistiques, je crois qu'on ne peut pas étudier une région sans essayer aussi d'étudier l'élément inverse. À quoi Est-ce qu'une région est sensible? À quoi elle est vulnérable? C'est-à-dire partir de l'élément contraire, donc d'une connaissance du tissu social, du tissu économique, du tissu de la biodiversité qui est présente, de tout ce qu'on veut protéger. Donc ça n'est pas qu'une affaire de climatologue. Et ça n'est pas du tout une affaire de climatologue seulement, c'est une affaire effectivement qui touche l'ensemble des sciences, et au-delà des sciences, qui va toucher des problèmes de justice, d'injustice, de relèvent de valeurs plutôt morales et non pas scientifiques. Mais on lit souvent qu'à cause du changement climatique, il fera plus chaud aux hautes latitudes, plus chaud sur les continents, plus humide dans les régions humides et plus sec dans les régions sèches. Est-ce que ça, c'est une connaissance ou est-ce que c'est une sorte de pronostic? Je dirais que c'est une connaissance de base qui nous permet de pas dire trop de bêtises. La planète Terre, elle a des régimes de temps qui sont bien marqués. Par exemple, on a un régime avec des grandes cellules tropicales entre 30 degrés nord, 30 degrés sud. La position de ces cellules changera un peu, mais pas beaucoup. Ça nous permet de dire que les climats de la zone intertropicale, ce sera plutôt un renforcement d'un certain type de climat qu'on connaît déjà, qui sont emprisonnés en quelque sorte dans cette zone intertropicale et qui seront modifiés sur pied, sur place, par le réchauffement de la planète. Et dans les moyennes latitudes, on a aussi quelque chose du même ordre. Il fera plus chaud dans les hautes latitudes de manière assez simple parce que on a la fonte des grands glaciers, le fait que en Arctique, la chaleur, une fois que la petite couche de banquise sera plus là, va pénétrer dans l'océan, se stocker dans l'océan. Et puis aussi parce que les régimes de vent sont très sensibles aux gradients de température pour l'équateur. Et puis il y a en fait aussi la température reste, le réchauffement reste plus près du sol dans les régions arctiques. Il y a tout un ensemble de choses qu'on comprend assez bien et qui donnent un cadre général. Par rapport à ce cadre, quand on veut régionaliser les choses, alors là, on est confronté à des problèmes qui sont plus difficiles au niveau scientifique et qui nous obligent à ce que je disais, c'est-à-dire travailler aussi dans le sens contraire, depuis la vulnérabilité des territoires jusqu'à ce qu'on comprend à peu près. Et quand on va à l'école, avec le trot, on apprend qu'il y a plusieurs sortes de climats, il y a une sorte de taxinomie des climats, il y a les climats tropicaux, équatoriaux, continentaux, océaniques, etc. Est-ce que ça a encore un sens ou est-ce que les bouleversements auxquels vous attendez seront tels que ces classifications deviendront caduques? Non, je dirais que l'essentiel des résultats qu'on a pu avoir avec nos modèles montre que tous ces climats qui ont été définis effectivement par des géographes au début du XXe siècle seront certainement encore valides. Et c'est à l'intérieur de ces types de climats, au moins pendant une bonne partie de ce siècle, que se feront les changements. Après, si les changements deviennent plus forts, on peut imaginer effectivement qu'on passe à une typologie différente. Mais dans un premier temps, on peut avoir le sentiment que les changements vont s'inscrire dans la typologie actuelle, mais en la modifiant les conséquences de ce qui se passe dans nos régions. Les anticyclones, ça mènera des canicules plus fortes et les situations humide, ça amènera des inondations plus fortes, plus probablement. Alors, le 14 novembre 2017 a été publié dans Le Monde, le journal Le Monde, un article qui correspondait à une sorte de manifeste signé par 15 000 scientifiques et intitulé « Il sera bientôt trop tard ». J'aimerais avoir votre avis, Hervé de Trotte, sur cette publication que vous n'avez pas signée, mais peut-être vous auriez pu signer, je ne sais pas. Mais avant, je voudrais que Léon nous lise un petit poème qui ressemble, pour ce qui est de sa tonalité, avec le contenu de ce manifeste. Un poème d'Alain Bosquet, « Nature dénaturée ». Un pétale qui dit « Je vivrai sans la fleur ». Un bec indépendant qui renie son oiseau. Un regard plus regard d'abandonner ses yeux. Un poème qui tend vers à vers son poète. C'est le temps du divorce et de la cruauté. La fleur répond « Je vivrai mieux sans mes pétales. » L'oiseau vole plus loin s'il n'a ni bec ni aile. Le poète est heureux de se priver de mots. Qui reste naturel? C'est le temps du défi. Bientôt, soupçon après soupçon, ils seront morts, tous les oiseaux, tous les regards, tous les poètes. Et les plus belles fleurs en matière plastique ne comprendront ni le parfum, ni le printemps, ni le plaisir d'aimer, ni l'ivresse de plaire. Donc le manifeste du Monde que j'évoquais évoque un dépérissement très rapide de la vie marine, une chute des populations d'insectes, une raréfaction de l'eau douce, une déforestation massive, une destruction de la biodiversité, et dit que si l'on veut éviter de grandes misères humaines, c'est l'expression, il va vite falloir changer de cap. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce manifeste? Est-ce que vous auriez pu le signer avec le truc? Alors, sur le plan du constat scientifique, il n'y a aucun doute, je pense qu'on est à peu près unanimement d'accord sur ce qui vient d'être dit. Je reviens sur les chiffres que vous avez dénotés tout à l'heure, je voulais intervenir, je ne l'ai pas fait, mais ce sont des chiffres dépassés maintenant. On sait que si on veut vraiment ne pas dépasser les 2 degrés, il faut arrêter les émissions de gaz à effet de serre de manière pratiquement complète. Et même, on parle d'émissions négatives, d'aller rechercher du CO2 dans l'atmosphère avant la fin de ce siècle. Et ça, c'est parce qu'on a, depuis 15 ans ou 20 ans, correspondent à peu près au moment où les chiffres dont vous avez cités étaient évoqués, le gaz à effet de serre qu'on a mis dans l'atmosphère s'y stocke. On crée une dette qui, à chaque fois, est plus forte. Donc, on est dans cette situation-là. Moi, je pense que le problème que l'on a avec ces manifestes aujourd'hui, c'est qu'il faut trouver quand même des solutions. Et que ces solutions... Il va falloir les trouver à l'interface entre les, enfin, trouver des petits trous de souris par lesquels se glisser. On a un problème qui est à la fois un problème climatique, qui est un problème social. Moi, je constate, parce que je fais souvent des exposés sur le changement climatique, que beaucoup de gens se sentent un peu pris en otage par ces problèmes-là. Que faire face à un manifeste comme celui-ci? Et d'autant plus fortement que, ils n'ont pas l'idée que, finalement, vu leur niveau d'éducation, vu leur attachement peut-être à un terroir dont ils n'ont pas envie de changer, l'idée que tout ça va amener, les transitions dont on parle vont amener des créations de millions d'emplois, mais ça va en détruire peut-être autant. Donc il y a une anxiété qui se crée autour de ça, à laquelle il faut répondre aussi. On a des problèmes qui... aussi limite nos solutions. C'est tout ce qu'il faut protéger en même temps que le climat. Il faut protéger la biodiversité, il faut garder nos ressources minérales, il faut éviter des pollutions de très longue durée, du sol, de l'air, etc. Donc le chemin qu'on va devoir trouver entre tout ça est relativement étroit. Et on voit que dès qu'on propose des mesures, on se heurte à ces difficultés-là. Je crois qu'aujourd'hui, et c'était ce que j'ai essayé de vous le dire sur la COP actuelle, on est confronté à cette complexité-là. Il faut donc aller un petit peu au-delà des manifestes. Ces manifestes sont nécessaires, mais il faut aussi aller au-delà de ces manifestes. Qu'est-ce que vous pensez du titre? Il sera bientôt trop tard. Parce que, avec un tel titre, on distille l'idée que si on entend encore un peu, alors les carottes seront cuites. Et donc, il n'y aura plus rien à faire. Il s'agira simplement de s'adapter. Le risque sera transformé en fatalité. Oui, il y a deux problèmes. Effectivement, d'abord, je pense qu'on a beaucoup fonctionné avec des seuils. On parlait des seuils de 2 degrés. Ce que nous montrent nos résultats, c'est qu'il n'y a pas vraiment de seuil. 2 degrés, c'est plus grave qu'1,5, qui est plus grave qu'1 degré. Mais c'est moins grave que 3 degrés, que 4 degrés, ou que 5 degrés. Il y a une progressivité de l'importance des changements qui est réelle. Cette progressivité, elle est peut-être accompagnée d'effets de seuil. À certains moments, on peut perdre brutalement les grandes glaces polaires ou des forêts tropicales. On ne sait pas exactement à quel niveau ça peut se produire. Donc je pense qu'on a besoin d'une vigilance active, de bien surveiller la planète, et puis on a besoin de s'y mettre tout de suite, c'est vrai. Mais sans trop savoir où ça nous emmènera de toute façon, je crois qu'on est... Je pense pas, pour dire les choses autrement, qu'il faille concevoir l'action sur le climat comme une sorte de rétro-planning qu'on fait à partir de 2100, en se disant il faut éviter telle température en 2100, et on fait un espèce de rétro-planning jusqu'à maintenant qui nous dit les mesures qu'on doit prendre dans les années qui viennent. On sait qu'on a 20 ans. Si dans 20 ans, on n'a pas réduit fortement les émissions, on sera en situation de ne pas empêcher le passage au-dessus des 2 degrés. 20 ans, pour faire une diminution sensible, ça veut dire que c'est un problème d'années. Donc dans ces années-là, il faut commencer à faire des choses raisonnables en termes d'équilibre entre tous les problèmes que j'ai dit. Mais il y a déjà beaucoup d'efforts qui sont faits, de recherches sur les énergies renouvelables, de changements partiels mais quand même visibles des conditions de vie ou des niveaux de vie même. Et pourtant, les émissions augmentent. Et donc on a l'impression que les efforts, même s'ils sont importants, n'ont pas d'effet sur la tendance générale. Et ça nous met dans une sorte de ce que Hegel appelait une conscience malheureuse. C'est-à-dire on sait exactement ce qu'il faudrait faire, mais l'effort demandé est tellement élevé que on souffre de ne pas pouvoir le faire en sachant que ça nous mène vers des situations qui seront difficilement gérables. Oui, je pose la question parce que j'ai lu qu'un rapport de la Société américaine de psychologie parle du lien entre réchauffement climatique et santé mentale. Et ce qu'il dit, c'est que les prévisions, qui sont toujours mauvaises, assombrissent l'humeur générale et que ça a des répercussions sur la société tout entière. Je pense qu'il faut essayer de poser les problèmes, effectivement, dans leur dimension positive. Je le dis en ayant beaucoup péché, parce que j'ai beaucoup alerté sur les problèmes de changement climatique, partie de la génération de physiciens qui a porté cette alerte. Je crois qu'aujourd'hui, il faut essayer, effectivement, de bonifier. En fait, on a beaucoup avancé. Je pense que c'est vrai. Quand on regarde ce qui était présent comme possibilité d'action, comme envie d'action, comme éducation à ces problèmes-là, il y a 20 ans et maintenant, les progrès sont immenses. Ils vont pas assez vite. On est confronté plutôt aujourd'hui non pas à un défaut d'action, mais une lutte de vitesse entre la planète, le tic-tac de la planète, et puis ce qu'on arrive à faire et qui n'est pas tout à fait suffisant. Mais je pense qu'il faut surtout valoriser ce qui se fait, espérer que peut-être à un moment donné, il y aura un effet un peu comme il y a eu pour le domaine numérique, avec un effet d'emballement, qui fait que des solutions qui paraissent prendre beaucoup de temps en prendront finalement beaucoup moins. Le truc, vous me corrigez si je me trompe, mais je crois avoir lu que l'Europe est responsable de 10% à l'échelle mondiale des émissions de gaz à effet de serre. Et on a l'impression que plus un État ou un continent est vertueux, et moins il pèse dans les négociations. Oui, il y a une réalité à ça, mais enfin, si on rapporte ça à la démographie, l'Europe pèse par habitant plus que les autres parties du monde, de manière générale, sauf l'Amérique du Nord. Donc, c'est aussi un effet de... Qui justement ne négocie plus trop. Mais je dirais qu'on est ramené dans ce problème de partage, on est ramené à la place qu'on occupe réellement sur la planète, qui est devenue démographiquement une place plus petite. Alors je crois que d'ailleurs, en termes de politique publique, pour la France, ça doit être un élément de réflexion. Je crois que le rôle de la France est finalement plus important quand elle essaie de promouvoir des technologies, des aides au-delà de ses frontières. On a encore cette capacité diplomatique, technique, au niveau de pouvoir aider au-delà de nos frontières, et souvent c'est peut-être plus important. Enfin, il faut être exemplaire, mais enfin ça apporte peut-être finalement un élément décisif plus grand que ce qu'on peut faire sur notre territoire, qui est limité. On émet à peu près 1,5% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Avec le trou, on a beaucoup parlé de la Terre, mais est-ce que dans vos travaux vous inspirez du climat d'autres planètes? Est-ce que ça vous sert d'analogue ou à mieux comprendre certains phénomènes qui sont généraux, qu'on retrouve sur d'autres planètes? Si le « vous » est un « vous » collectif qui s'adresse à mon institut, l'Institut Biarcy-Mont-Laplace, oui. Il y a une équipe dirigée par François Forget, qui est une équipe qui travaille sur le climat de Vénus, sur le climat de Mars, de Titan. On travaille sur Pluton récemment. Donc, et on apprend beaucoup sur ces autres planètes, parce que là, je disais que les parties du climat de la planète Terre, il est régi par des sortes de grands invariants. La différence entre les climats tropicaux et extratropicaux, intertropicaux et extratropicaux, de comparer avec la manière dont ça se passe sur d'autres planètes, sur la planète Mars, les mêmes cellules tropicales qui restent confinées chez nous vont jusqu'au pôle. Donc on apprend beaucoup à regarder avec la différence avec les autres planètes. Et ça donne aussi une certaine sécurité dans le diagnostic, le fait que les types de raisonnement, les types de calculs que l'on fait dans des conditions très différentes, alors pour des climats passés terrestres, mais aussi donc pour des climats sur d'autres planètes, soient cohérents entre modèles et observations, c'est quelque chose qui donne beaucoup de sécurité dans le diagnostic. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui prétendent qu'une fois que la Terre serait trop polluée ou trop invivable, on pourrait coloniser une autre planète, comme dans Interstellar par exemple? Je pense qu'on en est très très loin aujourd'hui. Peut-être qu'il faudrait d'abord coloniser les océans, le fond des océans, je ne sais pas. Mais les planètes... Je vous pose la question parce que je crois que Léon, il a des idées là-dessus. Ouais, qui n'est pas de moi, de Carlos Drummond de Andrade, qui est un poète brésilien, L'homme, cette petite bête terrestre, s'ennuie sur la terre, lieu de grande misère et d'indigents divertissements. Il fait une fusée, une capsule, un module, atteint la lune, descend prudent sur la lune, marche sur la lune, plante drapeau sur la lune, expérimente sur la lune, colonise la lune, civilise la lune, humanise la lune. La lune humanisée, toute pareille à la Terre. L'homme s'ennuie sur la lune. Reste d'autres systèmes extrasolaires à coloniser. Quand ils seront tous épuisés, il ne restera à l'homme, sera-t-il équipé, que le difficilissime, dangereusissime voyage de soi à soi-même. Poser le pied sur le sol de son cœur. Expérimenter, coloniser, civiliser, humaniser l'homme. En découvrant dans ses propres entrailles inexplorées l'allégresse pérenne, insoupçonnée du vivre ensemble. Le vivre ensemble, justement. Et j'ai noté, Hervé Le Trotte, que dans l'accord de Paris, celui qui a été signé lors de la COP21, on mentionne le terme de justice climatique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Est-ce que ça veut dire que les gens les plus pauvres sont les plus menacés? Globalement, oui. Il y a une réelle injustice géographique, peut-être, avant d'être climatique. Je disais tout à l'heure qu'il y avait un climat très différent dans la zone intertropicale. Et on a des climats qui globalement sont plus violents, des climats où on a du côté humide, des cyclones, des tempêtes, du côté sec, des sécheresses qui peuvent durer plusieurs mois, plusieurs années quelquefois. Donc on est dans des situations qu'on rencontre rarement aux moyennes latitudes, où on a des changements climatiques tous les... Moi, je suis d'origine bretonne et aquitaine, tous les 5 jours, le climat change. C'est un fait qui fait moins qu'en Irlande, où c'est toutes les quelques heures. Donc, on a des situations qui sont très différentes au niveau climatique, de ce point de vue-là. Et globalement, les pays les plus riches sont les pays qui ont le plus émis de gaz à effet de serre, sont dans la zone extratropicale, alors que beaucoup de pays qui ont des difficultés économiques, et c'est pas complètement hasard, sont dans la zone intertropicale. Donc les gaz à effet de serre, quand on les émet, comme ils restent très longtemps dans l'atmosphère, je dis de l'ordre de presque un siècle, ils se mélangent, ils réchauffent partout, et ils ont une action plus forte, plus dangereuse dans les régions les plus pauvres, qui n'ont pas émis plus démunis en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc ils accentuent, ils risquent d'accentuer la division entre pays du Nord et du Sud, pour faire simple, qui est celle qui existe aujourd'hui. Et c'est un des éléments majeurs qui est apparu avec la prise de conscience qu'on n'arriverait certainement pas à empêcher tous les changements climatiques. Il faudrait essayer d'empêcher au maximum les changements climatiques. Donc dans toutes les négociations internationales depuis quelques années, le problème de l'adaptation au changement climatique a été réveillé par ce sentiment d'injustice qui est celui qui est très ressenti très fortement maintenant dans les pays du Sud. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique pour France Culture, Yvan Turc et Romain Luquiens, et pour l'Odéon, Franck Conda, Alizé Vazeil, Xavier Baron, Colin Yacoub et Michael Krug, que je remercie. Et le tout a été réalisé par François Connac. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Onodibio pour Le Temps des Écrivains.